Bonjour frères et sœurs, nous en sommes arrivés à notre quatrième message de notre étude. Je veux parler de qui devrait nous enseigner la Bible. Billy Graham a dit « Dieu ne peut accorder à un homme de plus grand honneur que de l'appeler docteur des Écritures ». Et ça, mes amis, c'est un titre qui se mérite, qui s'acquiert avec les années et beaucoup de brisements. Un grand nombre de chrétiens qui n'ont pas de vrais pasteurs pour les guider s'égarent dans toutes sortes de directions. Pour être appelé à l'enseignement, il faut plus qu'une grosse Bible dans une grande bouche. Il faut ressembler à Jésus et il faut de la vie intérieure. Il faut que les fruits de l'Esprit soient en nous avec abondance. Il y a plus de 41 ans que j'étudie la Bible sur mes genoux et plus je réalise que je n'ai fait qu'en effleurer la surface. Si nous avions la connaissance de tout ce qu'il y a derrière les paroles de Christ, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, se transformerait en pure lumière, je pense. Plusieurs savent la Bible par cœur, mais ne connaissent rien ou très peu de théologie. Ils lancent des versets hors contexte en disant « la Bible dit ceci, la Bible dit cela ». Ils parlent de vérités bibliques, mais donnent bien davantage dans les erreurs bibliques. À quoi sert de connaître la Bible par cœur si on l'interprète mal? Mieux vaudrait n'avoir jamais connu les Écritures que de les interpréter de façon malsaine et nuisible. L'enseignement est un ministère qu'il faut laisser à ceux que le Seigneur a appelés. Il ne faut pas s'appeler soi-même. Faire intrusion dans un ministère que nous n'avons pas reçu est un péché grave et pour lequel nous serons jugés très sévèrement. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne craignent pas le jugement dernier. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, alors ils font tout ce qu'ils veulent et quand ils le veulent. Il y a même des gens qui ne devraient pas lire la Bible du tout, saviez-vous ça? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour lire la Bible, car ils en tirent toutes les mauvaises conclusions et retournent l'épée de la parole contre eux-mêmes et contre les autres. Leur esprit n'est pas droit, et leur jugement suit leur esprit. Ils ont le cœur tortueux et ils interprètent la Bible de façon tortueuse. L'histoire de l'Église nous enseigne que la Bible, entre les mains de tous, a été et est encore aujourd'hui une plaie pour tous. Cette chose devrait être contrôlée plus étroitement. Je suis d'accord pour que l'on place les quatre évangiles dans les mains de tous, mais pas la Bible au complet. Pour le reste du Nouveau Testament, j'opterais pour qu'il soit lu du haut de la chaire et qu'il soit interprété par des hommes mûrs et sages dans le Seigneur, par ceux que la Bible appelle les anciens et les pères. Vous vous rappelez, dans le premier épître de Jean, où il parle des petits-enfants dans le Seigneur, des jeunes gens et des pères, c'est-à-dire des chrétiens de troisième génération. Quand je parle d'anciens, je parle de vieux chrétiens qui ont fait leurs preuves. Tite 1.5, Paul dit « Je t'ai laissé en Crète afin que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Le mot traduit par « ancien » dans notre Nouveau Testament est « presbyteros », qui signifie « vieil homme » et a été traduit ailleurs par le mot « âgé » et par « vieillard », en parlant non seulement de leur âge, mais de leur expérience spirituelle. Tous ces petits vantards de chrétiens, là, encore immatures, qui ont à peine 25 ans, qui sortent de leur école biblique après trois longues années et qui se prétendent être des pasteurs et des docteurs de l'Écriture, là, n'ont absolument pas le droit à ce titre ou à ce ministère. L'histoire de l'Église nous apprend qu'à l'époque des premiers chrétiens, il n'y avait que les apôtres et les anciens qu'ils avaient attitrés, qui avaient le droit au ministère de la parole. La volonté de Dieu pour le reste de l'Église était de fermer leur bouche, de s'asseoir dans l'humilité et de se laisser instruire en toute soumission. L'Écriture nous montre que les prétendants au ministère étaient mis à l'essai. S'ils ne remplissaient pas bien leur ministère, ils étaient dégradés et remplacés, comme ça a été le cas de Diotrephe qui a été remplacé par Gaius. Les anciens qui enseignaient des doctrines que Paul ne leur avait pas dit d'enseigner étaient mis en discipline et destitués de leur ministère. Alors ne me dites pas qu'à l'époque des apôtres, il n'y avait pas de hiérarchie parce qu'il y en avait une, puis une très forte à part de ça. Quand on commence à lire la Bible, il est normal de mal la comprendre. Il faut être guidé par quelqu'un de compétent, et ça, c'est beaucoup plus rare qu'on pense, parce que plusieurs ont des intérêts. Et là où il y a de l'intérêt personnel, il va y avoir du désordre et de la souffrance, c'est assuré. D'autres vont mal interpréter la Bible parce qu'ils ont des péchés cachés, qu'ils veulent justifier au lieu de s'en sanctifier. Alors ça va déteindre sur tout leur enseignement. D'autres ont des petites doctrines chéries qu'il leur fait plaisir de croire, des doctrines qui font leur affaire de croire. Celui qu'un sujet compromet change de sujet. Le pasteur qui vit dans un péché ne prêche jamais sur ce péché dans ses sermons. D'autres ont la haine quelque part. Ceux-là non plus ne vont pas interpréter la Bible dans sa vraie lumière parce que Dieu est amour et qu'il faut interpréter la Bible avec amour, et ils n'en sont pas capables. J'ai vu des chrétiens qui avaient la haine des pécheurs ou la haine des catholiques. Il y a dans nos églises bon nombre de jeunes chrétiens qui n'ont pas encore de poils au menton et qui se pensent l'égal de n'importe quel ancien. Ils vous disent « Oh, l'ancienneté, ça veut rien dire. Le nombre d'années qu'on est au Seigneur, ça veut rien dire. » Ce qui contredit le livre des Proverbes au complet et tout le Nouveau Testament. Cessez de dire n'importe quoi. L'ancienneté, ça veut tout dire dans la Bible. Tous ceux-là ne devraient pas avoir le droit d'enseigner. Ce sont des jeunes orgueilleux et dangereux. Saint Grégoire le Grand, au 7e siècle, a écrit « Que les faibles prennent garde de se croire sous la conduite du Saint-Esprit, de peur qu'ils ne deviennent maîtres de l'erreur en refusant de se constituer les disciples d'un homme. L'âme qui est véritablement remplie de l'Esprit-Saint a pour le savoir des signes infaillibles, qui sont le progrès des vertus et l'humilité. » Fin de citation. C'est d'une grande sagesse. Il y en a qui disent que tout ce qui n'est pas dans la Bible vient du diable. Je ne sais pas où ils ont pris un slogan pareil. La Bible ne dit pas ça nulle part. Le Nouveau Testament ne couvre que 63 ans d'histoire. Et il ne couvre que 30 ans d'histoire de l'Église. Parce que la dernière ligne qui a été écrite, c'est en 63. À la fin des Actes des Apôtres, si on ne compte pas l'Apocalypse, là, qui compte quelques années de plus. Là. Est-ce que ça veut dire qu'en l'an 64, tout vient du diable? L'Église n'a plus rien fait de bien. Là. L'Église du Christ s'est transformée en Église du diable. Tout ce qui a été dit à partir de l'an 64, qui n'est pas écrit dans la Bible, ça vient du diable. L'Église n'a rien fait de bien. Là. Que c'est illogique, que c'est ridicule. Comme si l'Église avait arrêté de croître, comme si l'Église avait arrêté d'être et que tout ce qu'elle a fait était du diable ensuite. Là. C'est ridicule ça. C'est pour ça que la doctrine de sola scriptura, de se fier seulement à ce qui est écrit dans la Bible en matière de doctrine et de foi, c'est ridicule. C'est dépouiller l'Église de toutes ses lumières après l'an 63. Revenons à notre sujet, 1 Pierre 5:5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, car Dieu résiste aux orgueilleux. Je pose une question aux jeunes chrétiens ici. À quel ancien ou à quels anciens es-tu soumis et instruit? Parce qu'il n'est pas biblique d'étudier la Bible seule ou d'être enseigné par des gens qui ne sont pas des anciens au vrai sens du terme. Toi qui vois toujours où les autres ne sont pas bibliques, est-ce que tu es biblique toi-même dans ce domaine? Chez les premiers chrétiens, la vertu d'humilité était obligatoire au ministère et à toute vie de grâce. L'humilité se constate à la soumission aux personnes plus âgées physiquement et spirituellement, dans le respect de ceux qui ont vécu en Christ longtemps avant nous. Selon qu'il est écrit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 32. Le mépris du vieillard est un péché contre nature qui compte parmi les plus graves péchés. Le mépris des vrais anciens dans les églises n'est pas moins coupable devant Dieu. Hélène Vosso a dit « Je suis sûr que le mot « père » cité à plusieurs reprises dans les Proverbes, inclut également la personne qui peut l'être auprès de vous. Fin de citation. C'est une très belle et très juste réflexion. Le pasteur fait office d'un deuxième papa auprès des jeunes gens dans l'Église. Il leur prodigue de l'amour et de bons conseils et une autorité saine, ce qui s'accorde parfaitement avec l'Écriture. Par exemple, en 1 Thessaloniciens 2:11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Voilà la vraie définition d'un pasteur. Un véritable ancien, un véritable pasteur, est celui qui, à cause de son âge, a développé un amour paternel envers son troupeau. Et pas seulement un amour fraternel, mais à cause de son âge, il a développé un amour paternel. Il est impossible à un jeune pasteur de 25 ou 30 ans d'avoir développé cette maturité-là. Je le redis, seuls les chrétiens de troisième génération, les grands-papas, peuvent avoir cette maturité. Ceux qui ne sont pas soumis aux anciens ne sont pas soumis au Christ, quoi qu'ils en disent. Si tu n'es pas soumis à celui que tu vois, comment peux-tu l'être envers celui que tu ne vois pas? L'ancien qui a été établi selon le modèle et les prérequis bibliques a été établi par Christ lui-même. Luc 10, 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » C'est très grave, hein? Si on n'écoute pas ceux que le Seigneur a vraiment appointés dans le ministère, c'est comme si on rejetait Dieu. Le chrétien ou la chrétienne qui ne veut pas écouter personne a donc rejeté le Christ et Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Hélène Vasseau a encore dit « Il est déplorable que la pratique de la soumission aux anciens et aux aînés, que le monde même reconnaît comme naturelle, soit méprisée dans l'Église de Dieu. » Fin de citation. Mal parler à une personne âgée, c'est profaner un ordre naturel établi par Dieu. Et je vous le déclare, là, une Église où les jeunes ne veulent plus être enseignés par les anciens est en voie d'extinction certaine. Il y en a des masses d'églises qui ont mis la clé dans la porte. Ne vous croyez pas à l'abri, frères et sœurs. Ça arrive tous les jours encore. La rébellion aux anciens. On manque beaucoup d'éthique à cet égard dans nos églises et on se prive regrettablement de beaucoup de bénédictions. Et quand j'emploie le mot « ancien », je ne désigne pas un poste, mais un âge, une ancienneté spirituelle et naturelle. Il y a beaucoup d'anciens qui n'ont pas de ministère public et qui sont assis à côté de vous dans les bancs de l'Église. Un jeune pasteur est en infraction avec tout le Nouveau Testament. L'humilité dégage une odeur agréable au Seigneur. Lorsque notre vie et notre cœur sont de bonne odeur, le Seigneur fait demeurer sur nous sa faveur. Mais celui qui n'écoute pas les conseils deviendra orphelin de Dieu. Il y a beaucoup d'orphelins spirituels dans la maison du Seigneur. Saviez-vous ça? Orphelins dans l'âme et orphelins par pauvreté spirituelle. Pauvreté coupable, car elle a eu son origine dans l'orgueil de la dure oreille. L'insoumission et l'effronterie d'un jeune chrétien et d'un jeune pasteur face à un ancien me fait penser au coup de sabot rebelle d'un mulet sans intelligence. C'est très moche à voir. Si tu n'as de leçons à recevoir de personne, alors tu n'as de leçons à donner à personne. Si tu te sens dégagé d'écouter les autres, alors les autres sont dégagés de t'écouter. Lorsqu'on est jeune, on ne connaît pas la valeur des choses. On méprise ce qui est estimable et on estime ce qui est méprisable. L'on se concentre sur ce qui est passager et l'on méprise ce qui devra durer. Vraiment, les voies de la piété doivent nous être enseignées. Acte 8, 27-31. Voici un Éthiopien venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alors je le répète encore, il n'est pas biblique d'étudier la Bible seule. Le jeune chrétien ne peut pas comprendre la Bible en la lisant tout seul. Ne venez pas me sortir qu'avec le Saint-Esprit on peut tout comprendre. Cela est un mensonge sorti tout droit de l'enfer. Il y a 10 000 églises différentes dans le monde qui disent être conduites par le Saint-Esprit et qui se contredisent de mille et une manières. De nos jours, ce sont les jeunes qui se sont emparés des ministères dans les églises. Les pasteurs sont ordonnés de plus en plus jeunes et, oh ironie, on les appelle des anciens en plus. Matthieu 11, 16, Jésus a dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, dans le sens de s'emparer de son gouvernement et d'en garder le contrôle. » Une autre traduction a rendu « Le royaume a dû subir de violents assauts. » Traduction Weymouth. Une autre traduction a rendu « Des hommes ont utilisé la force pour s'en saisir. » Une autre traduction encore « Des hommes violents ont essayé de s'en approprier par la force. » Traduction Beck. Depuis l'apparition du prophète Jean et de Jésus, le clergé est devenu extrêmement possessif. Les pharisiens perdaient leurs vaches à lait, les gens les quittaient, alors ils ont resserré leur autorité. Jean-Baptiste et Jésus étaient des menaces à leur autorité. Les chefs religieux se sont donc plus que jamais imposés au peuple comme autorité spirituelle. Les chefs et les scribes de l'époque étaient des autorités spirituelles illégitimes, exactement comme il y en a tant de nos jours qui tiennent les gens captifs de leur Église et de leur ministère avec leur titre d'apôtre et de prophète. Aujourd'hui, les églises évangéliques sont gouvernées par des enfants qui jouent au pasteur et qui jouent à l'Église. Ce sont des églisettes. Il ne faut plus se demander pourquoi les églises sont si pauvres spirituellement, si souffrantes de mille et une manières, si peu consolées et presque complètement abandonnées du Saint-Esprit même. Le principe de l'autorité dans les églises n'est pas respecté, alors le Saint-Esprit s'est envolé de plusieurs églises. La Réforme a rejeté en bloc les sages enseignements des pères de l'Église et des conciles. Le résultat, ça a été la pauvreté spirituelle et les fausses doctrines qui ont fourmillé. Ce ne sont pas des églises, mais des orphelinats. Quand des enfants enseignent d'autres enfants, rien ne va plus dans les églises. On ne se réfère qu'à la Bible, que personne ne comprend de la même façon. Nous nous sommes crus plus sages que l'Église, et nos œuvres tombent en cendres les unes après les autres. Faites une recherche sur le net, sur les églises désaffectées. Vous trouverez des centaines de photos d'anciennes églises évangéliques qui ont été obligées de fermer leurs portes et qui tombent maintenant en ruine. Vous allez en voir des églises qui croyaient être dans la vérité, toute la vérité et rien que dans la vérité, et dont l'œuvre est tombée à l'eau. La Bible dit « Si cette œuvre ou cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. » Acte 5, 38. Vous n'avez rien à redire à ça, c'est la pure vérité. Pierre a écrit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. » La convoitise de l'autorité, disant « Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Pierre prophétise à propos de l'esprit de la réforme qui a été le rejet de l'autorité légitime de l'Église et le rejet des pères qui ont succédé aux apôtres. Les protestants se sont dit « Youpi, on peut faire tout ce qu'on veut maintenant, on n'a plus besoin de se soumettre à aucune autorité de l'Église. On est libre. » Quel orgueil, mes amis, quel orgueil. Celui qui veut être son propre maître a un fou pour disciple. Tous ceux qui lisent la Bible n'en sont pas les docteurs, vous savez. N'essayons pas d'être à la fois le bébé et la cigogne. Aujourd'hui, dans les églises, on donne la parole aux jeunes et on frappe les anciens sur la bouche. Ceux qui parlent devraient se taire et l'on empêche de parler ceux qui seraient équipés pour le faire. Étrangement, ceux qui devraient écouter sont toujours en train de parler. Car moins on a de connaissances, plus on est pressé de la partager. Ceux qui devraient écouter parlent tout le temps et ceux qui ont quelque chose de sensé à dire, on ne les laisse pas le faire sans les persécuter. L'expérience ne paraît pas nécessaire à ceux qui n'en possèdent pas. La folie leur paraît sage et la sagesse leur paraît folle. On ne veut pas de chef. Chacun veut interpréter la Bible selon son propre sens. Il ne faut pas s'étonner de voir du n'importe quoi partir dans tous les sens. On veut interpréter la Bible selon sa conscience, mais tous n'ont pas une bonne conscience, frères et sœurs. Plusieurs ont une conscience malade ou cautérisée, dit la Bible, et un discernement très limité. Certains croyants ont une intelligence moyenne, tandis que d'autres sont bigots par nature et ont le QI d'une carotte. Tous nous avons besoin de maîtres qui marchent derrière le maître et nous enseignent ses voies. Le père Garrigou Lagrange, en 1952, dans son merveilleux livre « La perfection chrétienne et contemplation », a écrit ceci. « Aujourd'hui, dans une fièvre qu'on prend pour la vie, presque tout le monde veut brûler les étapes. Présomption et précipitation. L'enfant, l'adolescent, plus encore qu'à d'autres époques, veut faire l'homme avant l'heure. Il ne s'assimile pas à ce qui convient à son âge. Il les méprise sottement. Il déflore les choses supérieures, croyant les posséder, et ne les assimilant pas, il les rejette. Il ne les possédera peut-être jamais pour avoir voulu les goûter trop tôt. Il fait penser à un petit enfant qui mépriserait le lait et voudrait une nourriture plus forte avant d'avoir des dents pour la mâcher. » Fin de citation. Que c'est prophétique, des paroles comme ça. Avant d'être digne d'enseigner la Bible, il faut avoir mis une bonne douzaine de Bibles en chiffon. Tous les autres ne sont que des touristes. Tous les chrétiens peuvent et doivent rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Les chrétiens plus âgés peuvent faire des partages à propos de certains versets bibliques qui les ont édifiés. Mais concernant le ministère de docteur et de pasteur, tel qu'établi dans l'Église par le Seigneur, très très peu se qualifient. Il faut non seulement être né de nouveau et être rempli du Saint-Esprit, mais il faut ensuite avoir reçu un appel personnel et avoir reçu une onction spéciale par privilège confirmant cet appel. L'onction fait la preuve de l'appel. Il faut avoir usé ses genoux pendant de longues années et avoir étudié chaque verset du Nouveau Testament au moins une bonne quarantaine de fois. Finalement, avoir été mis à l'épreuve publiquement à plusieurs reprises. Si l'appel au ministère est réel et que l'onction de ce ministère nous a été vraiment accordée, et si, à chaque fois que l'on se présente devant une assemblée ou une foule, cette onction descend littéralement nous oindre pour parler, alors vous êtes bien un docteur des Écritures. Être seulement rempli du Saint-Esprit ne suffit pas. J'ai entendu des tas de prédicateurs de personnes remplies du Saint-Esprit enseignant des tas d'erreurs doctrinales et des tas de bêtises. Moi-même, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai été rempli du Saint-Esprit immédiatement. Mais lorsque j'écoute mes petites prédications de l'époque que j'avais enregistrées, je me marre jusqu'à avoir mal au ventre d'entendre mon ignorance et toutes les bêtises que je pouvais débiter. Je crois qu'un pasteur peut enseigner ce qu'il sait de la Bible ou ce qu'il croit savoir. Il le doit, c'est une partie de son travail. Mais réalisons que cela n'a rien à voir avec le ministère de docteur. Un pasteur n'est pas automatiquement docteur des Écritures. Et un docteur n'est pas automatiquement un pasteur. Un homme peut opérer dans les deux ministères, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, de grâce, taisez-vous. N'attirez pas sur votre tête un jugement, car Dieu punira sévèrement les orgueilleux et les présomptueux, nous dit l'Écriture. Aujourd'hui, les chrétiens ne jurent que par la Bible. Mais si vous voulez être biblique, là, commencez donc par là, à rétablir l'ancienneté dans les églises. Commencez donc par là, à obéir à la Bible. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On compare ici le ministère de la parole à un chirurgien qui manie un scalpel. Il devient évident que tous n'ont pas le droit de manier cette épée de la parole à cause du danger que cela représente. Hébreux 5:14 parle des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cette épée, là, dans la main d'un enfant, peut faire plus de mal que de bien. Mettre un scalpel dans la main d'un enfant, c'est de la boucherie. Il n'a pas le discernement nécessaire, il sera légaliste. Le légalisme détruit la relation d'amour que les croyants ont avec Dieu. Le légalisme détruit la joie du salut et fait rétrograder dans la chair. Il assèche le cœur de sa grâce. Le croyant qui n'est pas mature se servira de la Bible d'une façon sévère. Je parle d'une sévérité mal placée. La sévérité plonge ses racines dans la chair, tandis que la douceur plonge les siennes dans la charité du cœur de Christ. Le cœur de l'enseignement doit être affermi dans la charité et la miséricorde avant de se servir de l'épée de la parole dans la vie des autres. Plusieurs pasteurs font une boucherie dans leur église au nom de la parole de Dieu. Ils n'ont qu'une spiritualité charnelle. Ils ressemblent à Jonas, le prophète pharisien sans compassion. Mais les conseils semblent toujours trop longs aux enfants. Voici le raisonnement de l'insensé. Comme l'on est heureux quand l'on n'a pas de maître. Comme on est heureux quand personne ne nous corrige. Comme on se sent bien quand on se bouche les oreilles. Comme on est en paix quand on se laisse emporter par ses propres idées et que personne ne nous donne de conseils. Comme tout devient facile quand l'on quitte les églises. Comme on se sent spirituel quand on parle contre toutes les églises et que nous n'appartenons à aucune. Comme on se sent grand en disant « Moi, je suis de Christ » et que l'on n'écoute personne. Comme tout devient facile quand on a arrêté de se sanctifier, quand on recule au lieu d'avancer et que l'on descend le courant. Comme on est en paix quand on est tombé dans la tiédeur. Comme le sommeil est doux quand personne ne nous dérange. Ces gens-là, frères et sœurs, pensent que le Saint-Esprit leur parle directement, mais ce n'est que dans leur imagination. Ils n'entendent plus la voix de l'Esprit-Saint, mais la voix de leur cœur malhonnête. Ils sont rétrogrades sans le savoir. Proverbe 5, 11 à 14 dit « De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction ?» Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'aie éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. 1 Jean 2, 26 et 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Ici, on a deux versets qui semblent contradictoires. Dans le premier verset des Proverbes, on parle d'écouter la voix de ses maîtres et de prêter l'oreille à ceux qui nous instruisent. Et que c'est un danger très réel. Lorsqu'on n'écoute pas la voix de ses maîtres, on peut éprouver tous les malheurs du monde. Et puis ici, dans le verset de l'Épître de Jean, on nous dit qu'on n'a pas besoin que personne nous enseigne. Quelle est la logique dans tout ça? Ben, le verset de Jean fait très plaisir à ces chrétiens un peu prétentieux qui pensent n'avoir besoin de personne pour les enseigner. Ils veulent être en même temps et leur propre maître et leur propre disciple. Alors leur vie spirituelle tourne en rond. Ce passage-là de Jean a servi de prétexte à toutes les rébellions, à tous les orgueils et à toutes les insoumissions à ceux qui, par esprit d'entêtement, préfèrent marcher seuls plutôt que de courir le risque de rencontrer quelqu'un qui les corrige et les redresse en quelque chose. Afin d'enlever ce prétexte à ceux qui cherchent des prétextes, je vous explique ce passage dans son vrai contexte. À l'époque où Jean a écrit ce passage, il y avait une secte très répandue qu'on appelait les Gnostiques. Ils avaient une notion très vague de Dieu, niaient l'incarnation de Dieu en Jésus, niaient sa divinité et prétendaient arriver à la connaissance de Dieu par les efforts de l'intelligence humaine. Les Gnostiques disaient « Si vous ne vous mettez pas à notre école, il vous est impossible d'arriver à la connaissance de Dieu. » Alors quand Jean a écrit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne », il veut dire « Vous n'avez pas besoin de l'enseignement gnostique pour connaître le Seigneur ». Vous voyez comment le contexte historique est important pour comprendre la Bible. 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. On a là une hiérarchie spirituelle. Honnêtement, là, pensez-vous vraiment que Jean abolissait ici les ministères de pasteurs et de docteurs que le Seigneur avait établis dans son Église? N'avez pas besoin que personne ne vous enseigne? Pensez-vous que Jean abolissait les ministères, là? Frères et sœurs, personne n'a l'autorité d'abolir ce que le Seigneur a établi. Il faut lire ce verset dans son contexte, voir le verset précédent. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il est bien évident que les chrétiens n'avaient pas besoin de l'enseignement de ces gens-là, mais qu'ils auraient toujours besoin de l'enseignement des ministres du Seigneur. La Bible, voyez-vous, ne se contredit pas. Je vous apprends peut-être quelque chose là. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Est-ce que ce passage signifie que vous n'avez besoin de personne pour avancer dans le Seigneur? Jean était lui-même en train de les enseigner dans cette épître. Alors soyons logiques. Quand je vous dis qu'on a besoin de connaître le contexte historique pour comprendre la Bible, ben on a un très bel exemple ici. Vous n'avez pas besoin des enseignements gnostiques. Voilà ce que Jean voulait vraiment dire. Une autre façon d'interpréter ce texte est la suivante. 1 Jean 4, 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et 1 Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ces chrétiens avaient donc été enseignés de nombreuses années auparavant. À quel enseignement Jean peut-il faire référence, autre que celle des gnostiques? Quel est donc cet enseignement primordial que ces chrétiens avaient reçu dès le commencement de leur vie chrétienne? Eh bien, c'était que le Christ était Dieu venu dans la chair. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, quand Jean dit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne » signifie, dans ce cas, « Vous n'avez plus besoin que l'on vous dise que Jésus est Dieu, car vous le savez vous-même, et que son onction vous l'a enseigné elle-même. » Alors non, ce passage ne signifie pas que les chrétiens qui ont le Saint-Esprit n'ont plus besoin d'être enseignés par personne. Je m'excuse de crever votre ballon rose, mais je vous dis carrément, chaque croyant aura besoin d'être enseigné, et ce, jusqu'à la fin de sa vie sur la terre. Ces croyants à qui Jean s'adressait avaient depuis très longtemps été enseignés. Ils l'avaient même été depuis le commencement, est-il dit. L'enseignement basique de la divinité de Christ, de Dieu manifesté en la chair, voilà le témoignage de l'onction que ces croyants avaient reçue dans le cœur. Le rebelle donne toujours la même excuse. « Moi, je suis seulement la Bible. » Ou « Il n'y a que le Saint-Esprit qui m'enseigne. » Suivre la Bible n'a jamais été une protection contre l'erreur, mes amis. Puis avoir le Saint-Esprit n'a jamais empêché personne de prêcher des bêtises. Ne devenez pas des illuminés. Un illuminé, la définition du dictionnaire dit « L'illuminé est un exalté qui est porté au fanatisme, qui adhère à une certitude avec une conviction absolue et irraisonnée et un zèle outré poussant à l'intolérance et pouvant entraîner des excès. » Alors, si le petit chrétien peut pas se fier à sa compréhension de la Bible et s'il ne peut pas se fier entièrement au Saint-Esprit, que lui reste-t-il? Eh bien, que dit la parole? Il a donné les uns comme docteurs, Éphésiens 4, 11. Et aussi, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, 1 Pierre 5, 5. Donc, la façon biblique d'avancer sûrement dans la vérité, c'est d'écouter humblement les vrais anciens de l'Église. Et quand je dis anciens de l'Église, je le répète, je ne parle pas des petits jeunes qui sortent d'une école biblique et à qui on donne le qualificatif d'ancien. Je parle des vrais vieux chrétiens qui ont cheminé toute leur vie et grandi en sainteté jusqu'à être reconnus par l'Église comme des modèles de sainteté, de sagesse et qui ont reçu l'onction d'enseigner, qui ont été mis à l'épreuve et qui ont été approuvés par l'Église. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont encore vivants, là, hein? Quand je parle des anciens, je parle également et surtout de ceux qui sont morts et qui ont laissé derrière eux un témoignage d'intégrité et qui ont laissé des écrits édifiants et des biographies édifiantes, selon qu'il est écrit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Hébreux 13:7. La Bible semble paradoxale à des dizaines d'endroits. Vous ne vous en sortirez jamais si vous essayez de tout comprendre tout seul. Vous allez perdre des années à apprendre ce que vous auriez pu apprendre en 5 minutes si vous auriez eu le bon sens de vous mettre à l'école des anciens. Mais c'est votre vie, hein? Faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez perdre des années, c'est votre affaire. Si vous voulez perdre votre vie à jouer au petit docteur, là, c'est votre affaire. Moi, quand j'étais jeune, je me suis mis à l'école de tous les grands ministères américains. Parce que j'habite au Canada, c'était ce qu'on avait là. Je ne veux pas dire qu'en Europe, il n'y avait personne, mais j'habitais au Canada, alors tous les grands ministères, tous ceux qui avaient la puissance de Dieu, tous ceux qui étaient de vieux prédicateurs inspirés, là, venaient des États-Unis, alors je me suis mis à l'école de tous ces grands ministères-là. J'en avais au moins une dizaine, une douzaine ou une quinzaine. J'ai écouté leurs enseignements assidûment, pendant des heures et des années. Et je rends le témoignage que m'asseoir à leurs pieds a été le plus beau temps de ma vie. J'insiste maintenant sur une autre chose. Une personne ne devrait enseigner la Bible que si elle a été instruite en théologie, avoir étudié l'histoire de l'Église avec l'Église et non avec les ennemis de l'Église, je le précise bien, que si elle a atteint les niveaux supérieurs de la sainteté, que si elle a exercé un ou plusieurs ministères. Une personne qui a le cœur juste, qui possède une rigoureuse honnêteté d'analyse et une maturité de jugement marquée, qui possède la haine de l'exagération et le souci de l'exactitude. Voilà celui qui devrait enseigner la Bible. Les jeunes chrétiens ne sont pas fiables. Ils inventent de nouvelles doctrines à tous les jours, ils sont disputeurs, querelleurs, contredisants, ils ont du parti pris en toutes sortes de choses, des préjugés et toutes sortes de choses semblables. Ils ne sont bons qu'à créer de la confusion dans les églises et à multiplier les divisions. Regardez sur Facebook, là où tous les petits chrétiens enseignent, c'est une vraie cacophonie, une vraie Babylone. Voulez-vous connaître les synonymes de cacophonie? Les voici. Babel, brouhaha, bruit, chahut, charivari, confusion, désaccord, discorde, discordance, dissonance, mélange, tapage, tumulte et vacarme. N'est-ce pas que ça décrit parfaitement ce qu'on observe sur Facebook? Alors voilà pour la première partie de mon message. Ceux qui devraient nous enseigner la Bible. J'aimerais vous parler maintenant d'un autre sujet qui me tient à cœur et qui est faux, la fameuse doctrine de sola scriptura. De cette doctrine de Martin Luther et sur laquelle est supposément basé tout le protestantisme. La plus grosse blague qui ait jamais eue. Alors attachez bien votre ceinture ou attachez bien votre tuque, comme on dit au Québec, parce que j'en ai des choses à dire sur le sujet. Depuis les apôtres, jusqu'à 1500 ans plus tard, c'était l'Église qui enseignait la Bible au peuple. C'était un clergé instruit. Au Moyen Âge, on ne pouvait pas devenir prêtre si on ne connaissait pas la Bible par cœur. Suite à sa querelle avec le pape de l'époque, Martin Luther a décidé de rejeter l'autorité de l'Église et de ne se fier qu'à lui-même dans l'interprétation des Écritures. « Sola scriptura », disait-il, est un terme latin qui signifie « l'Écriture seule ». C'est-à-dire que seule l'Écriture devait servir de base à ce que l'on doit croire. Ça paraît bien beau, mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'en réalité, ce que Martin Luther voulait dire dans la pratique, c'est que seule mon interprétation de la Bible est la bonne. À partir de cet instant-là, c'est devenu une religion d'homme. J'ai toujours dit que la Bible n'était pas pour tout le monde. Elle n'est certainement pas à sa place entre les mains d'un homme qui se pense au-dessus de tout le monde. L'expression « chrétien charnel » ne se trouve pas dans la Bible. Un homme encore charnel n'est pas encore un chrétien. Par définition, une personne charnelle n'a pas l'esprit de Christ. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, nous dit Jude 19. Être faible est normal, être charnel ne l'est pas. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'êtes plus charnel. Que Dieu opère en nous une remise en question de l'usage que Martin Luther a fait de la Bible. Beaucoup des doctrines de la Réforme semblaient tenir debout, mais ne tiennent pas la route quand on les examine de près. Que la Bible serve de base à ce que l'on doit croire, regarder le résultat. Depuis la Réforme, il y a eu plus de 10 000 dénominations différentes, des centaines de milliers d'églises différentes et des millions de chrétiens qui se disputent entre eux à coups de Bible, qui se déchirent et se divisent, et subdivisent et se subdivisent à l'infini, au nom de cette fausse doctrine de Martin Luther qu'il nomme « sola scriptura ». C'est-à-dire que chacun peut lire la Bible et l'interpréter selon sa propre conscience sans se soumettre à personne. La Bible étant tout ce dont on a besoin comme base de foi et de doctrine, ça revient à signer des chèques en blanc et à les distribuer à tout passant. Le père Cossette, au 19e siècle, a écrit « Au moment où la chair de Saint-Pierre est abattue, c'est le sens privé qui se présente pour en tenir la place. » Et alors, voyez comment volent en éclats les débris de l'unité évangélique sous les coups de ces innombrables sectes protestantes qui n'ont rien de commun avec leur protestantisme. Fin de citation. Sola Scriptura a fait dériver toutes les églises dans toutes les directions imaginables. Animés d'un zèle amer, les ennemis de l'Église ont émietté la vérité et émietté l'unité du corps de Christ. Regardez ce que les chrétiens écrivent sur Facebook et vous allez voir que les chrétiens en ont rien à foutre de l'unité, mais rien à foutre du tout, là. Pourtant, ils se croient tellement bibliques. Pourtant, dans le Nouveau Testament, nous voyons le Christ prier pour l'unité de son Église avant même qu'elle ne soit brisée. Nous voyons Paul en supplier les chrétiens pratiquement dans toutes ses lettres. Alors, tant que vous n'aimerez pas l'unité de tout votre cœur, et ne chercherez pas l'unité de toutes vos forces dans l'Église, vous ne serez pas biblique, mes petits amis, et vous ne serez pas propre au ministère. La grande réforme n'a rien réformé du tout, si ce n'est qu'elle a servi de châtiment à l'Église pour son amour de l'argent à l'époque. À part ça, la grande réforme n'a été qu'une grande rébellion à l'autorité établie et une tentative diabolique pour détruire l'Église. Parce que Martin Luther ne voulait pas réformer l'Église, il voulait la détruire carrément. Mais l'Église du Seigneur est indestructible. Après que l'Église ait connu ce mal et l'ait extirpé, le Seigneur, comme à son habitude, a su faire ressortir du bien à partir du mal. Dieu tire sa gloire de tout, ce qui ne signifie pas, par contre, que tout a été fait pour sa gloire. La seule chose positive qui est ressortie de tout ça, c'est la diffusion de la Bible dans le langage du peuple. À partir de là, tant bien que mal, s'est installé un retour à la simplicité de la foi qui a été une bénédiction pour le monde et à qui nous devons le salut de millions d'âmes. Je dis gloire à Dieu pour sa capacité de changer le mal en bien. Ce bien-là ne vient pas de Martin Luther. Ce bien-là vient de Dieu. Mais j'y mets ici un bémol, sauf qu'un retour à la simplicité des assemblées locales sans la paternité des 12 apôtres, ça donne quoi? Des enfants qui essaient d'enseigner d'autres enfants à comment être des adultes. Des enfants qui jouent à l'Église. Vous aurez beau essayer d'organiser vos églises à l'image de ce que vous voyez dans le Nouveau Testament, mais sans la guidance des 12 apôtres, vous ne serez jamais comme l'Église primitive que vous voyez dans le Nouveau Testament, parce que vous n'avez plus de paternité. Examinez vous-même. Est-il dans l'ordre naturel des choses que n'importe quel chrétien s'élève et enseigne des Écritures aux autres? C'est une véritable pandémie dans les églises évangéliques depuis 5 siècles. Proverbe 26:10. Une sentence dans la bouche des insensés est comme un archer qui blesse tout le monde. La Bible entre les mains d'un fou ne va pas porter des fruits sages, mes amis. Combien de pasteurs sont en place aujourd'hui et qui ne remplissent pas du tout les prérequis bibliques et qui font du mal à leur Église et qui sont la cause directe de tant de personnes qui quittent l'Église? Méfie-toi de l'ignorant qui cite les Écritures, dit un ancien proverbe juif. Aujourd'hui, au moins 95 chrétiens sur 100 croient avoir le droit d'enseigner la Bible. La liberté de le faire ne constitue pas un appel à le faire, ni même un droit. Les ministères sont des appels sacrés. Personne n'a le droit d'y faire éruption et d'en usurper le pouvoir. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Hébreux 5:4. La Bible dans les mains de tous, d'accord, mais la Bible dans la bouche de tous, alors là je dis 100 fois non. Ce serait comme laisser un coffre à outils traîner par terre, grand ouvert, au milieu d'un groupe de jeunes enfants. Ils vont pas construire quelque chose ensemble, hein? Il est même certain que la plupart vont se faire du mal, et faire du mal aux autres, c'est tout. Le peuple de Dieu doit recevoir un enseignement centralisé également. Il est impossible d'avoir l'unité autrement. Le peuple de Dieu doit recevoir un seul enseignement. C'est la raison pour laquelle l'Église ne plaçait pas la Bible dans les mains de tous. L'Église n'interdisait pas de lire la Bible, mais interdisait de l'interpréter de façon contraire à la tradition de l'Église. Le but était de conserver l'unité de l'Église et d'empêcher la formation de 1001 sectes. Les protestants disent « Ah, c'est parce que l'Église ne voulait pas que les gens connaissent la vérité, découvrent la vérité. » Ça, c'est les protestants sont bons pour tordre le sens historique des choses. Hein. C'était pas la raison du tout. Dans un monde parfait, l'enseignement devrait être laissé exclusivement aux autorités légitimes de l'Église. Le peuple écoute l'enseignement avec l'humilité et y conforme sa vie. C'est comme ça que ça fonctionnait au temps des apôtres et de leurs successeurs. Lire la Bible et être son propre maître, même avec le Saint-Esprit, là, c'est le déraillement presque assuré vers toutes sortes de doctrines erronées. Le dictionnaire définit le mot « déraillement » de suite et donne les synonymes suivants. Dérèglement, débordement, désordre, égarement, excès. Alors même avec le Saint-Esprit, le cœur humain est encore parfaitement capable de se séduire lui-même s'il n'est pas guidé. Jacques 3.1 dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Une autre traduction a rendu « Ne vous empressez pas d'assumer le ministère de l'enseignement. » Une autre traduction « À vous ériger en maître. » Une autre traduction encore « Ne vous mettez pas tous à enseigner, frères. Vous savez avec quelle sévérité nous serons jugés. » Une sœur m'a dit l'autre jour, « Je ne me sens pas appelée à lire la Bible pour l'enseigner aux autres, même si je l'ai lue d'un bout à l'autre et que l'esprit parfois me rappelle les textes. Ce n'était que pour mon instruction personnelle. » Fin de citation. Je lui ai répondu, « Puisse toute la chrétienté vous entendre et vous imiter, chère sœur. » Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction pour le monde qu'il y a beaucoup d'enseignants de la Bible? Pas forcément. Si la Bible, disponible à tous, a été un outil de salut pour un grand nombre, la Bible dans les mains de tous a également été la garantie de blessures pour tous. La Bible nous a été donnée pour notre édification, non pour servir d'épée que l'on retourne les uns contre les autres, comme on le voit aujourd'hui. Ça a été la grande faiblesse de la Réforme. Depuis la Réforme, le peuple de Dieu est dans une grande détresse. Le peuple de Dieu en général est dans une grande détresse. D'une part, il y a l'Église catholique qui ne remplit pas son rôle, avec des prêtres qui ne citent pas les Écritures, qui ne prêchent plus ce qu'il y a dans la Bible. Et de l'autre, il y a une multitude de sectes qui ne remplit pas davantage son rôle. D'une part, l'Église qui n'est pas assez biblique et de l'autre des sectes qui veulent trop l'être et blessent les âmes à cause de leur ignorance. Ésaïe 5, 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Quand Ésaïe emploie le mot « malheur », c'est une prédiction, c'est une prophétie. De l'arrogance découle toujours beaucoup d'erreurs et de la présomption beaucoup de larmes et de douleurs parmi le peuple de Dieu. Faire dire à la Bible ce qu'il nous plaît de croire et refuser de croire ce qu'elle dit. Ce sont deux efforts de la chair punissables et indignes d'un enfant de Dieu. Beaucoup lisent la Bible pour leur propre condamnation. La fameuse sola scriptura est le principe protestant selon lequel la Bible est l'autorité ultime et unique à laquelle les chrétiens doivent se soumettre en matière de foi et de vie chrétienne. Cependant, aucun texte de la Bible ne vient réellement soutenir ce principe car il aboutit à une contradiction. Cet article de foi ne trouvant pas lui-même sa justification dans la Bible. Comprenez-vous? En d'autres mots, il est écrit où dans la Bible que la Bible est la seule source d'autorité en matière de foi? Vous ne trouverez pas ça nulle part. Comme je l'ai dit tantôt, le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église, se termine en 63 après Jésus-Christ, à quelque chose près. Alors, est-ce que ça veut dire que tout ce qui vient après, qui n'a pas été écrit, tout ce que les apôtres ont fait et dit après 63, c'est de la merde. Tout est de la merde. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, tout ce que l'Église a fait à partir de l'an 64, c'est toute de la merde, ça, là. Faudrait croire ça, là. Non, mes amis. Le sola scriptura ne tient pas la route. Michel Stifel, en 1524, a écrit « Ne savez-vous pas que le « moi » étant votre critérium doctrinal, de même qu'il n'y a pas deux visages qui se ressemblent, il ne peut y avoir deux consciences qui interprètent la Bible de la même façon. Luther disait lui-même « autant de croyances que de têtes ». Fin de citation. Le père Cossette a écrit « Aujourd'hui, l'individualisme a réduit vos églises en poudre. Voilà la conséquence immense du libre examen. » Le monde se souviendra longtemps des divagations de cette nouvelle Babel. L'Église catholique croit également à l'autorité de la Bible. Toutefois, elle accorde aussi autorité à la révélation continue de Dieu à son Église, guidée par le Saint-Esprit. L'Église catholique ne croit pas que tout s'est arrêté en l'an 63. Pour les catholiques, ils ont raison sur ce point, c'est l'Église qui nous a donné le Nouveau Testament et non l'inverse. Selon qu'il est écrit en 1 Timothée 3,15, « L'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité, hein, et non la Bible. » C'est l'Église qui est l'appui de la vérité. La Bible fait partie de l'autorité de l'Église. Elle n'est pas une autorité au-dessus de l'Église. Le sola scriptura, c'est une façon de revenir à la simplicité de la foi en même temps qu'il vient tout compliquer dans la vie des Églises, car elle est le principe même de la division. Or, l'Écriture dit bien, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » 2 Pierre 1,20. En d'autres mots, il n'appartient pas aux chrétiens d'interpréter la Bible chacun à sa manière. Finalement, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école protestante qui dit que la Bible est l'autorité suprême en matière de foi. Chacun lit la Bible dans son coin et cherche à l'interpréter à sa manière. Deuxièmement, il y a l'école de pensée catholique qui dit que l'Église détient l'autorité et qu'il lui appartient d'interpréter la Bible et de l'enseigner au peuple. Maintenant, je ne vais pas choisir à votre place ce que vous devez croire. Je vous exposerai les faits et vous ferai ce que vous voudrez ensuite. De toute façon, on en arrive toujours là quand même, à faire ce qu'on veut, malheureusement. Ce qu'il y a de bien, là, chez certaines petites églises protestantes, c'est la redécouverte du baptême du Saint-Esprit et de la louange vivante durant les cultes, la manifestation de certains dons spirituels et de toutes les délivrances que ça apporte. Le côté négatif, c'est qu'il est pratiquement impossible de trouver une église où on ne te foutra pas la pression quelque part et rende ton expérience chrétienne amère. Ce qu'il y a de bien dans l'Église catholique, c'est qu'on ne voit pas de scandale. On ne voit personne se rouler par terre ou manger de la pelouse ou mettre tout son argent aux pieds du prêtre. On ne verra jamais ça, là. Ce qu'il y a de bien chez l'Église catholique encore, c'est qu'on n'en veut pas à votre portefeuille tout le temps. Et c'est qu'on ne fout de pression à personne nulle part et que l'on vous fout une paix royale. Les gens n'ont de compte à rendre à personne. C'est la personne qui décide de la vitesse à laquelle elle veut avancer avec Dieu. Le côté négatif, c'est que les cultes sont d'une monotonie affligeante. Les sermons des prêtres en général sont dénués de nourriture spirituelle. On dirait qu'après 40 ou 50 ans de ministère, les prêtres sont un peu écœurés. Je dis pas ça pour être méchant, si on était dans leurs souliers, on serait peut-être nous autres aussi. En 2 Timothée 3:1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Oui, on vit de nos jours en des temps où il est très difficile d'être un chrétien heureux. Les chrétiens rebondissent partout comme des balles de ping-pong. Ils changent d'église et re-rechangent d'église tout le temps, essayant de trouver ici ou là un peu de repos d'esprit, et ils n'en trouvent pas beaucoup. Quand une église ne donne pas dans un excès, elle en donne en d'autres. L'église établie, je parle de l'église catholique, est trop relâchée. Les sectes, de leur côté, sont trop rigides, et chez les églises indépendantes, on trouve du n'importe quoi. Ils ne sont sous la surveillance de personne, alors on fait n'importe quoi aussi. Pas étonnant que tant de chrétiens préfèrent ne plus aller nulle part. Mais dans ce cas, il y a un autre danger qui est de se relâcher et de s'endormir comme les vierges folles. Quant à moi, là, je pense que la solution à tout ça, c'est de choisir la voie du milieu. Je vais vous dire ce que je fais, moi. Après 41 ans de vie chrétienne, j'ai été déçu par tout le monde et par toutes les églises. Alors ce que je fais, c'est que je prends ici et là ce qui me fait du bien. Vous n'avez pas à choisir entre une église et une autre. Vous n'avez qu'à prendre ce qui vous fait du bien dans une église et dans une autre. Par exemple, je vais assister à un culte quelque part dans une église pentecôtiste et j'y demeure que le temps de la louange. Ensuite, je me lève puis je m'en vais. Si je vis une période où j'ai besoin de paix, de tranquillité, de prière, j'ai besoin d'être seul avec Dieu, je vais m'asseoir dans une église catholique et j'écoute simplement les lectures bibliques et je prie dans mon cœur. Je trouve très, très intéressant de voir comment l'Église catholique interprète certains passages bibliques. C'est une toute autre sorte de spiritualité. Ça m'a permis de voir la vie chrétienne d'un tout autre point de vue qui m'a fait beaucoup de bien. La littérature catholique est également très, très riche. Il est très édifiant de voir comment les saints et les pères de l'Église interprétaient les passages bibliques. En conclusion, là, faites ce que vous voulez, mais faites ce qui va vous permettre de continuer à avancer et de persévérer jusqu'à la fin. Le sola scriptura est censé supprimer toute forme d'autorité terrestre pour libérer l'écoute de la parole de Dieu. Mais très vite, se croyant mandatés par leurs analyses bibliques, les réformateurs se sont donné le droit de vie et de mort sur leur prochain. Laissez-moi vous rappeler une parole même de Martin Luther. À l'aube de ce qu'on appelle la guerre des paysans, voici ce que Martin Luther prêchait. « Les bons chrétiens devraient laver leurs mains dans le sang des papistes. » Voici une autre glorieuse parole du même réformateur. « Tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l'épée, secrètement ou en public, en sachant qu'il n'est rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu'un rebelle, et c'est ici le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi l'autorité doit-elle foncer hardiment et frapper, en toute bonne conscience, frapper aussi longtemps que la révolte aura un souffle de vie. C'est pourquoi, cher Seigneur, parce qu'il parlait au prince, poignarder, pourfender, égorger à qui mieux. Il paraît que c'est une lettre circulaire qu'il avait envoyée à tous les seigneurs protestants, leur enjoignant de tuer tous les paysans catholiques. Le voilà le vrai visage du bon réformateur, là, qui passe pour un bienfaiteur, un grand bienfaiteur de l'humanité. Bientôt, là, le protestantisme n'a pas tardé à adapter sa lecture de la Bible à leurs intérêts économiques, aux dépens des plus faibles, comme étant individuellement et collectivement les plus grands crimes. Ça, c'est le témoignage de l'histoire. Alors, par exemple, les protestants ont eu une part active dans la traite des Noirs, dans l'apartheid, part qu'ils justifiaient par divers passages de la Bible mal interprétés. Il est vrai que si les protestants s'appuyaient sur la Bible, ont commis des crimes horribles, d'autres s'appuyaient sur la même Bible et les ont dénoncés et ont lutté contre le rétablissement de la justice. Voyez-vous le danger de se fier sur la Bible seule? Le danger est que n'importe qui peut lui faire dire ce qu'il veut. Je pense que vous avez découvert ça depuis longtemps. On peut faire dire ce qu'on veut à la Bible. Cette règle de sola scriptura a depuis longtemps prouvé qu'elle ne fonctionne pas. Voilà où intervient l'autorité de l'Église, afin de trancher les questions et, s'il le faut, même réunir un concile pour discuter de la position à prendre et de la marche à suivre devant certains dangers. Selon le principe biblique, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Luther a écrit « La seule règle est la suivante, c'est la parole de Dieu qui doit établir les règles de foi et rien d'autre. » Deuxièmement, la réforme établit en principe l'Écriture comme étant suffisante et ayant suprême autorité en toute matière spirituelle. Troisièmement, Martin Luther a écrit « Toute vérité nécessaire au salut est contenue dans l'Écriture. » Fin de citation. C'est vrai, mais toute la vie chrétienne ne tient pas qu'à ça. Il faut vivre chrétiennement par la suite. Il faut recevoir un enseignement uniforme pour prétendre à l'unité que le Christ nous a demandé. Être sauvé, c'est bien beau. Je veux dire, la vie chrétienne ne s'arrête pas là, là. Oui, tu peux être sauvé en lisant la Bible, mais qu'est-ce que tu fais ensuite du reste de ta vie? L'autorité souveraine des Écritures est une théorie dérisoire. La Bible à elle seule ne réunit personne. Au contraire, cette foule que constituent les protestants ressemble à un verre coupé en 1000 morceaux. Laisser chaque croyant libre de l'examen biblique, c'est arriver à la pulvérisation de l'unité de l'Église. Le libre examen est une tornade qui ne laisse que des champs dévastés. C'est la mutilation de la foi. Des trois sources d'autorité que Dieu a données à l'Église, le protestantisme n'a conservé que la Bible, car il n'est rien de plus facile que de lui faire dire ce que l'on veut quand les deux autres interprètes sacrés sont éliminés. En Matthieu 28, quand le Christ dit à ses apôtres « Allez et enseignez », il n'y avait pas encore un seul livre du Nouveau Testament qui était écrit. Il y avait donc une autorité enseignante et dirigeante en la personne des apôtres et de leurs successeurs, avant même que le Nouveau Testament n'existe. Cette autorité, c'était l'Église. C'étaient les apôtres et leurs successeurs. Jésus a dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Il n'est pas question de la profession de foi que Pierre avait faite à la phrase précédente. Si vous vous rappelez bien votre grammaire, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », le complément, c'est l'Église. Et le sujet du complément n'est pas la profession de foi qui est faite dans la phrase précédente. En bonne grammaire, le complément est soumis au sujet de la phrase même où il est. Et le sujet de cette phrase, c'est Pierre. C'est très, très clair. Pierre, tu es Pierre. Ça, c'est le sujet de la phrase. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ne venez pas me sortir cette interprétation protestante qui bouleverse et qui pulvérise la grammaire, qui va chercher le sujet de cette phrase dans la phrase précédente. Le sujet de cette phrase est bel et bien Pierre. Est bel et bien la personne de Pierre. Il n'y a pas d'erreur à voir là, là. OK, il n'est pas dit « Pierre, tu n'as aucun rôle à jouer dans l'établissement de l'Église. C'est sur la Bible que je bâtirai mon Église. » Non, le Christ a voulu que son Église gardât le témoignage de l'Écriture, mais a choisi de la bâtir sur le fondement des apôtres. C'est bien ce que Paul enseigne. Et le témoignage historique des anciens nous montre que ces mêmes apôtres ont établi des successeurs à leur suite pour poursuivre cette œuvre de construction de l'Église. Si le Nouveau Testament s'arrête en l'an 63, eh bien l'Église ne s'est pas arrêtée en l'an 63. Elle a continué de se développer. Lorsque Dieu dit à Pierre, en Acte 11, « Pierre, tue et mange », ce n'était pas biblique. Lorsque Paul a aboli les repas qui accompagnaient la Sainte Cène, c'était pas biblique non plus. Le problème, c'est que la Bible ne dit pas tout à propos de tout et ne prévoit pas tout. Elle ne prévoit pas de solution à tous les problèmes qui allaient s'élever contre l'Église en cours de route. L'Église devait donc trancher là où les Écritures étaient silencieuses. Dans toute la chrétienté protestante, on ne trouve pas deux chrétiens qui interprètent la Bible de la même façon. Comment voulez-vous avancer dans un même chemin, dans un même sentiment, dans un même esprit et dans une même pensée, comme l'a voulu le Seigneur? Hein? Comment voulez-vous faire ça? Le protestantisme a adopté des principes qui lui rendent l'unité impossible. J'ai connu un pasteur qui a essayé de toutes ses forces de réunir les églises évangéliques de sa ville afin d'œuvrer ensemble et de donner un témoignage plus puissant de l'Évangile dans cette ville. Ça a été peine perdue, à peine un semblant d'unité a-t-il été créé, que tout a éclaté en morceaux. Le pasteur, épuisé et à bout de souffle, a dû repartir d'où il était venu et abandonner l'œuvre. Au commencement, les apôtres transmettaient le message de l'Évangile de mémoire d'homme. Et après eux, leurs disciples firent de même. L'Évangile fut d'abord légué par tradition orale. La puissance des premiers chrétiens ne provenait pas des Écritures, mais de l'Esprit de Christ qui habitait en eux et les transformait à sa ressemblance. Armés de la puissance de sa résurrection dans le cœur, les chrétiens vivaient selon Jésus, le Seigneur, dans une unité parfaite et une charité spirituelle invincible. Les chrétiens n'avaient pas de Bible, pourtant ils étaient très loin d'être faibles dans la foi. On dirait même que l'absence de Bible créait une unité très forte autour des apôtres, car ils n'avaient aucun sujet de dispute. Voici le témoignage de l'historien R.P. Cossette qui dit dans ses mots ce qui s'est passé après les apôtres. La doctrine de Christ est propagée, la hiérarchie est formée, le culte est réglementé, le monde enfin est converti avant même que les évangiles soient tous composés. De sorte, l'Écriture est évidemment postérieure à l'Église, puisqu'elle est née dans son sein. C'est tiré de son livre « Le bon sens de la foi » en 1876, je crois. Essayez pas de le trouver, il n'existe plus. Ne pas posséder de recueil d'écriture ne les a pas empêchés d'être les plus beaux exemples de foi, de charité et d'héroïsme chrétien que le christianisme ait jamais produit. Et à quelques exceptions près, l'Église jouissait d'une parfaite unité et son témoignage était très très puissant sur la terre entière. La Bible entre les mains de tous a créé la confusion dans l'esprit de tous. Sans un enseignement uniforme et centralisé, l'unité chrétienne est irréalisable, frères et sœurs. Lorsqu'à partir du 16e siècle, la Bible est devenue accessible à tous, les erreurs les plus grossières sont malheureusement devenues accessibles à tous également. Le 16e siècle a marqué la construction de la Nouvelle Babylone aux 1000 langages et aux centaines de milliers d'interprétations bibliques divergentes. Sola Scriptura est devenu le principe et la semence de 1000 divisions. Et ça, mes amis, la division, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Chacun pouvait désormais interpréter la Bible selon son bon plaisir. Le diable devait être mort de rire, là. Concept charmant et des plus séduisants, mais qui ne manquaient pas de créer toutes sortes de désordres, d'anarchie, de chaos et d'incohérences doctrinales. Bientôt, on vit surgir une marée noire de pasteurs et docteurs autoproclamés pour achever la désorganisation, la désunion de l'Église protestante et l'éparpillement des brebis sur toutes les étendues de terres arides et sur les flancs des montagnes. Aujourd'hui, les hommes et les femmes de Dieu passent le plus clair de leur vie à déraciner et arracher les fausses doctrines et les milliers de faussetés qui ont été semées parmi le peuple de Dieu, au lieu de le passer à évangéliser pour faire entrer le plus d'âmes possible dans le royaume de Dieu avant son retour. C'est une perte de temps abominable. Croyez-vous vraiment que sola scriptura vous place à l'abri de l'erreur, mes amis? Mais c'est le principe même de toutes les erreurs et de toutes les divisions. En parlant des traditions catholiques, on dit que ce sont des traditions d'hommes. Moi, je dis que la tradition protestante du sola scriptura est de très loin la plus dangereuse, car elle détruit les fondements même de l'unité chrétienne et l'uniformité d'enseignement. Je vous mets au défi. Vous ne trouverez pas le principe de sola scriptura dans la Bible, car il a été inventé par Martin Luther au 16e siècle. Mais quand ouvrirons-nous les yeux, frères et sœurs? Un troupeau de brebis se disperse à tous les vents lorsqu'il n'a pas de pasteur pour leur donner une seule direction. La seule chose qui peut nous sauver de cette confusion, c'est le retour à l'Église mère, où il n'y a enfin qu'un seul troupeau, qu'un seul berger, une seule foi, un seul baptême. L'Église possède 2000 ans de réflexion chrétienne. Elle a quelque chose à dire et beaucoup à nous apprendre. Depuis la Réforme, il y a eu 10 000 dénominations différentes dans le monde. Et parmi chaque dénomination, il y en a guère deux qui ont la même interprétation de la Bible sur beaucoup de sujets. Et dans une même dénomination, il n'y a guère deux pasteurs qui aient la même interprétation biblique sur tous les sujets. Et dans une même Église, il y a rarement deux chrétiens qui croient les mêmes choses également. Pourquoi tout ça? Parce que tout le monde ne lit la Bible qu'avec sa petite tête, et chacun y prend ce qu'il veut. Avant la Réforme, il n'y avait qu'un enseignement centralisé à Rome, et l'Église était unie et en paix. Martin Luther s'est amené avec une doctrine toute nouvelle, la sola scriptura, en clair, qui veut dire « on n'a plus besoin d'Église ni de personne pour nous expliquer la Bible, chacun devient son propre pape en matière de foi ». Luther a détruit les fondements de l'unité. C'est la raison pour laquelle les Églises protestantes n'ont jamais été capables de s'unir, car une semence produit selon son espèce. Pour finir, j'aimerais vous parler maintenant du fait que la Bible soit mise dans les mains de tous. J'en ai parlé un peu tantôt, je vais en parler directement maintenant. La Bible entre les mains de tous. J'ai quelques bémols à ce sujet, vous le savez. Beaucoup de gourous et de sectes malfaisantes n'auraient jamais vu le jour si ce contrôle était demeuré entre les mains de l'Église. Il n'y a aucun gourou parmi les prêtres dans l'Église. 1 Corinthiens 15, 34. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Que croyez-vous qu'il se passe quand nous plaçons une Bible entre les mains de ces personnes-là? Quelle sorte d'eau sortira de cette source? Quelle sorte de fruits produira cette plante? Une rigoureuse honnêteté de cœur est nécessaire à une bonne interprétation de la Bible. La fausse doctrine est un poison lent. Elle ne reste jamais sans effet. Quand je regarde l'histoire de l'Église, entre l'ignorance dans la tête de tous et la Bible dans les mains de tous, je ne sais pas lequel les deux a été le pire et a fait le plus de mal à l'Église. Mettre la Bible entre les mains de tous est à mes yeux comme entrer dans une école primaire et mettre une épée dans les mains de tous. Que pensez-vous qu'il se produirait, frères et sœurs? Je crois qu'ils se blesseraient tous éventuellement. C'est un peu le spectacle que nous offrent beaucoup d'Églises évangéliques. Les gens se blessent les uns les autres, s'affligent. La Bible dans les mains de tous a été l'opportunité de Dieu de se faire connaître et l'opportunité du diable pour faire naître une armée de faux prophètes, de disputeurs, de spéculateurs, de querelleurs et de contradicteurs. Voilà la vérité historique, frères et sœurs. Ce fut également l'opportunité du Seigneur pour nourrir et amener beaucoup d'âmes à la connaissance de Jésus-Christ. La Bible a été l'outil des outils pour prêcher et amener une myriade d'individus au Seigneur. Et de cela, nous devons nous réjouir, mais non sans oublier le double tranchant de cette épée. Il faudrait peut-être cesser de mettre la Bible entre les mains de n'importe qui et de tout le monde. Nous créons des monstres. La Bible ne devrait être remise qu'aux personnes remplies de l'esprit, car les autres en feront un usage selon la chair. Et d'autres fois, ces gens s'élèvent en ennemis contre le pasteur et font toutes sortes de troubles. Plusieurs, parce qu'ils ont une Bible entre les mains, s'imaginent tout savoir sur Dieu. Ils l'interprètent selon leur propre ressemblance et forcent ensuite leur interprétation sur les autres. Je connais de très bons chrétiens qui ne possèdent même pas de Bible. Ce sont des personnes à la fois simples et qui ne font jamais aucune discorde. La Bible, beaucoup ne la lisent que pour devenir pire au lieu de devenir meilleur. La Bible est l'outil par excellence de la discorde. 2 Pierre 1:5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Aujourd'hui, dans notre christianisme moderne et superficiel, nous mettons tout de suite la Bible dans les mains des nouveaux convertis et les faisons immédiatement sauter de la foi à la science. Mais le savoir et la théologie n'édifient pas un cœur sale. La Bible n'édifie que les cœurs vertueux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, parle de ceux qui ont goûté la bonne parole et les compare à une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. De l'autre part, il arrive que la même pluie, la parole de Dieu, produit des épines et des chardons car elle est réprouvée. Alors on voit que la Bible ne produit pas le même effet bienfaisant sur tous. On voit que dans certains cœurs, elle produit un effet malfaisant. Les jeunes et les moins jeunes qui s'improvisent docteurs sans en avoir reçu l'appel font un mal énorme à l'Église. Ils sont les principaux artisans de toutes ces doctrines déséquilibrées qui font de leur voix une véritable Babylone. Ce sont les enfants qui jouent à faire les hommes. Je le répète, ce sont des gens dans l'erreur qui essaient de corriger des gens dans l'erreur et qui produisent une troisième erreur. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, frères et sœurs. Si Martin Luther a traduit la Bible dans le langage du peuple, il l'a placée dans les mains de tous. Ce n'était pas dans la bonne intention de leur faire connaître le Seigneur, loin de là, mais c'était dans le but d'utiliser ce peuple sans instruction et facile à endoctriner et de s'en faire une armée contre l'Église. Luther a remis la Bible dans les mains de tous afin que tous l'interprètent de façon anti-catholique comme lui. La Bible devenait ainsi une épée dans leurs mains. Qui met fin à mon message, je vous invite à écouter le 5e et dernier message. Amen.